nouvelle 911, nouveau 357. L'argent ça sent bon, toi t'es grave pas sec. Je lui fais l'amour du Kamasutra sous le sunset. Eux c'est mes petits donc c'est normal qu'ils m'appellent sensei. J'ai le seum si tu reviens pas comme un junkie. Mentalité Johnson, Dumpy. Dans la caisse j'ai jumpé. Espèce de vieux condé, tu peux pas me palper. Bitch il a déjà les jambes écartées. C'est une balle tringue, lui j'ai capté. Je remplis mon gobelet. Je sors ma queue gobelet. Ils veulent nous ressembler. Y'a pas de monnaie, je suis pas là. Quand je coupe la quête plat, les bolos ne s'inquiètent pas. Tu connais, ça ment pas, la misère ne me marque pas. Pourtant c'est l'enterrement. Fini Beyblade, d'autres, t'as capté l'enchaînement. For sure. Hey yo, White. Nouvelle Audemars, série limitée, le cercle est limité. On est full de métaux, c'est sur moi que j'ai misé. On veut l'or de la Mésopotamie. J'ai beaucoup de frères et j'ai très peu d'amis. Et j'ai plus de cash que les pieds de tout à tisse. Ici rien que ça shoot, fit les taux fils. Et je marche sur des cadavres, sur des tas de thunes. Bébé dis-moi que tu m'aimes, mais sans autotune. Il me fait des guillis, nouveau 9 milli. Je fous dans le kipal si on a un qui parle. Les petits sont équipés, c'est pas pour clipper. On a ton adresse, même ton adresse IP. Si je sors le gamo, c'est pas pour le mariage. Montre-moi ton vrai visage, mais sans maquillage. Y'a des impacts de balles sur le carénage. Dans le sale foot de pétage dans le carrière. Il rentre à 18h, il a le bracelet sur la cheville. On a gagné bien plus que les attaquants de Séville. Je rigole dans le Urus, Lamborghini. Et je souris quand j'y tire, car après la mort je revis. T'en reveux, c'est normal, j't'ai bien servi. Les Rolex sur le poignet, c'est bien certi. Arme de drogue, gamo, sous de sortie. PS, PSO, Tux ou VSOP. Il rentre à 18h, il a le bracelet sur la cheville. On a gagné bien plus que les attaquants de Séville. Je rigole dans le Urus, Lamborghini. Et je souris quand j'y tire, car après la mort je revis. T'en reveux, c'est normal, j't'ai bien servi. Les Rolex sur le poignet, c'est bien certi. Arme de drogue, gamo, sous de sortie. PS, PSO, Tux ou VSOP.